Question 16. Je peux m'arrêter sur l'accotement de droite pour téléphoner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour me reposer. Oui, réponse C. Non, réponse D.